Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on entame une exploration particulièrement dense au cœur d'une révolution qui bouleverse des industries entières, en fait. Ouais, le mot n'est pas trop fort, on parle d'un vrai séisme. C'est ça. Et on va décortiquer l'intégration de l'intelligence artificielle générative, mais avec un prisme très spécifique, celui du sport business. Et ce qui rend cette analyse hyper pertinente pour tous ceux qui s'intéressent au domaine, c'est qu'on s'appuie sur des documents qui montrent comment la nouvelle génération est formée, là en ce moment même. Exactement, on a épluché des trucs passionnants. Voilà, on a parcouru les supports de cours des étudiants en bachelor 3 de l'école Amos, on a aussi le guide d'usage de l'IA générative du pôle interordre de Montréal et un livre blanc supple fouillé qui vient d'un hackathon dédié à l'IA. C'est du solide, ouais. Et pour être clair d'entrée de jeu, l'objectif ici, c'est absolument pas de faire l'apologie aveugle de la machine. L'idée, c'est vraiment d'extraire de ses sources les clés concrètes pour une utilisation critique et responsable de l'outil. Bah, c'est un point de départ essentiel. Et pour bien poser les bases, je crois qu'il y a un mythe tenace qu'il faut dissiper tout de suite. Quand on lit ces supports de cours, le message est limpide. Comprendre les mécanismes des grands modèles de langage, les fameux LLM, c'est plus juste une ligne sympa sur un CV. Non, c'est devenu une compétence de survie, littéralement. C'est ça. Et on ne demande pas aux futurs managers du sport de savoir coder des algorithmes, attention. Il s'agit de comprendre comment la machine, entre gros guillemets, réfléchit. Oui, parce que le mot « réfléchir » induit pas mal de monde en erreur, pour le coup. Totalement. C'est pour en tirer de la valeur sans tomber dans des pièges qui pourraient détruire la réputation d'une marque ou d'un club. Et justement, pour illustrer cette histoire de réflexion, il y a une anecdote dans nos sources que je trouve géniale. Elle montre bien que l'IA n'a ni conscience ni véritable intelligence humaine. Si on demande à une IA classique de choisir un chiffre totalement au hasard entre 1 et 100... Elle va pas prendre un chiffre au hasard. Bah non, le chiffre 42 ressort 10 fois plus souvent que n'importe quel autre. Ce qui est quand même complètement contre-intuitif pour un outil qui est censé simuler le hasard. C'est fou, hein ? Et l'explication est fascinante. En fait, l'IA, c'est pas une calculatrice objective. C'est juste un miroir géant des données d'Internet sur lesquelles elle s'est entraînée. Oui, le fameux grand aspirateur de données. Exactement. Et sur Internet, sur Reddit, dans toute la culture geek, le 42 est omniprésent. C'est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, tirée du guide du voyageur galactique. Ah oui, la fameuse blague. Voilà. Du coup, comme cette référence inonde les données, l'IA associe statistiquement le concept de chiffre au hasard au chiffre 42. Elle réfléchit pas, elle recrache juste des probabilités mathématiques basées sur nos comportements en ligne. Et cette anecdote du 42, elle est vraiment fondamentale, parce qu'elle définit la nature même de la relation qu'on doit entretenir avec l'outil. Vu que l'IA est probabiliste, travailler avec elle, ça exige une vraie posture stratégique. Une philosophie de travail, presque. C'est exactement le terme. Les sources citent les recherches d'Ethan Mollick, qui est un prof de Wharton, et il théorise deux grandes approches de collaboration humain-machine. Il y a la posture du centaure et la posture du cyborg. Alors, le centaure d'abord. L'image est hyper parlante. T'as d'un côté la partie humaine, de l'autre la partie animale, et la frontière entre les deux est super nette. Ouais, aucune confusion possible. Dans le management sportif, adopter cette posture du centaure, c'est instaurer une séparation stricte des tâches. L'humain garde le monopole absolu de la vision, du jugement critique, et l'IA, elle, s'occupe de l'exécution à fort volume. Faut prendre un exemple concret pour illustrer ça. Imaginons un directeur de la com dans un club de rugby. Il rédige lui-même l'axe stratégique de sa prochaine campagne d'abonnement. Le budget, les cibles, les messages clés, ça c'est la tête humaine. D'accord. Et ensuite, il prend cette stratégie validée, il la donne à l'IA et lui demande de décliner le concept en générant, je ne sais pas, 50 variantes de texte pour des pubs ciblées sur les réseaux. Donc l'humain pense la direction, la machine fait le travail à la chaîne. C'est ça. Le contrôle reste total. Et à l'opposé de ce modèle très compartimenté, on a donc la posture du cyborg. Et là, on est sur une vision beaucoup plus organique. Complètement fusionnelle, oui. Le cyborg, c'est la co-construction permanente. L'humain et l'IA fonctionnent dans une boucle itérative, au point où à la fin, c'est presque impossible de dire quelle phrase vient de l'humain et laquelle a été suggérée par la machine. C'est un vrai dialogue continu. Si on prend la construction d'un dossier de sponsoring, le manager écrit un premier jet, le soumet à l'IA pour l'étoffer. L'IA va proposer, disons, un angle sur la RSE. La responsabilité sociale de l'entreprise, ouais. Voilà. Le manager trouve l'idée bonne, mais il modifie un peu le ton. Il relance la machine pour qu'elle structure ça dans un tableau, et ainsi de suite. Chaque aller-retour affine le truc. Alors là, je me fais quand même l'avocate du diable, parce que cette approche cyborg, sur le papier, c'est très séduisant. Mais est-ce que ça comporte pas un risque majeur pour de jeunes professionnels? En fusionnant sa pensée avec un algorithme qui produit du consensus statistique par nature, est-ce qu'on risque pas de lisser totalement sa créativité, de perdre sa patte, quoi? C'est une super objection. Et c'est précisément pour ça que le cursus d'Amos insiste énormément sur la prise de recul. Le cyborg, c'est hyper puissant pour dépasser le syndrome de la page blanche. C'est sûr. Mais ça demande une vraie maturité professionnelle pour pas tomber dans la facilité. Et c'est ça l'enjeu, savoir choisir sa posture au bon moment. Le centaure, tu l'utilises quand tu dois justifier chaque étape d'un process sensible. Le cyborg, c'est plus un moteur pour l'exploration créative. À condition de garder fermement la main sur la direction, bien sûr. Évidemment. Bon, tout ça nous amène à la mécanique pure. Parce que pour espérer co-créer avec une machine, que tu sois centaure ou cyborg, faut d'abord savoir lui parler. L'art du prompt. Exactement, le prompt engineering. C'est la formulation des requêtes. Et la meilleure métaphore dans nos documents, c'est de voir l'IA comme un stagiaire hyper brillant, capable d'avaler une bibliothèque en une seconde, mais qui souffre d'amnésie totale à chaque nouvelle phrase. C'est tout à fait ça. Si tu lui donnes pas un cadre ultra précis, il est paumé. Et prompter, c'est devenu une vraie science. Le Prompt Report, c'est une méta-analyse immense citée dans les sources qui regroupe plus de 1500 études. Et ça montre que la moindre variation dans ta demande modifie drastiquement la qualité du résultat. D'où la méthode CRAFT, le fameux acronyme CRAFT, qui est enseignée aux étudiants. Faut décortiquer ça parce que c'est la boîte à outils de base. Le C, c'est pour contexte. Faut expliquer la situation globale. Le R, c'est pour rôle, qui l'IA doit incarner. Le A, pour action, la tâche précise. Le F, pour format, la structure attendue. Et enfin, le T, pour ton, le registre émotionnel ou pro. On peut faire le test mentalement. Si tu tapes juste « fais un poste pour le nouveau maillot du PSG », tu vas avoir un truc insipide avec des clichés sur le foot. Avec la méthode CRF, contexte, lancement du maillot extérieur du PSG. Rôle, incarne le community manager expert du club. Action, rédige 3 options de texte. Format, moins de 280 caractères avec des puces et des emojis. Et le ton ? Ton, passionné, fédérateur et un peu exclusif. La différence de résultat, elle est abyssale. On passe d'un gadget nul à un brouillon directement exploitable par une agence. C'est la base de la productivité avec ces outils. Et les documents vont même plus loin avec des techniques pointues pour le sport. Il y a le few shot. Au lieu de donner des instructions abstraites, tu donnes des exemples. Si tu veux une newsletter pour un club de basket, tu colles les 3 dernières newsletters réelles dans ton prompt. L'algo va analyser la syntaxe, le vocabulaire et imiter le ton à la perfection. Il y a aussi le chain of thought, la chaîne de pensée. C'est tout bête, mais hyper efficace. T'ajoutes à la fin de ta requête, raisonne étape par étape. Ah oui, pour farcer la machine à décomposer. C'est ça. Si tu lui demandes d'évaluer les risques financiers d'un contrat de sponsoring, en la forçant à détailler, ça l'empêche de prendre des raccourcis trompeurs. Et toi, tu peux vérifier sa logique point par point. Et en combinant tout ça, il y a un cas d'usage qui ressort vraiment pour la formation, c'est la fonction simulateur. L'étudiant peut paramétrer l'IA pour qu'elle joue le rôle d'un directeur de marque super sceptique. Ou même un groupe de supporters ultra très en colère après une hausse des prix. Ah, c'est génial ça. Et l'étudiant doit négocier, répondre aux objections en temps réel. C'est un partenaire de sparring inépuisable. C'est l'outil ultime pour préparer des entretiens ou des oraux. Tu testes tes arguments avant d'être face à de vrais humains. Alors encore une fois, je me fais l'avocate du diable. L'IA utilise quand même des schémas de résolution de conflits qui sont mathématiquement prévisibles. En s'entraînant que face à une machine, l'étudiant risque pas de devenir lui-même robotique et de paniquer face à un vrai sponsor humain qui serait juste de mauvaise foi ou irrationnel. Le risque de formatage, il est bien là, c'est sûr. La simulation, c'est juste une étape de préparation. Ça consolide la théorie, mais ça remplacera jamais l'intelligence émotionnelle, la lecture du langage corporel ou la gestion de l'imprévu. C'est le propre des humains, ça. Et cette notion de risque, ça nous amène directement aux zones de danger abordées par les professeurs. Parce que faire une confiance aveugle à ces outils, ça peut être catastrophique. Oh que oui ! Le premier grand danger, c'est les fameuses hallucinations. Faut vraiment le marteler. L'IA ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle prédit juste le mot suivant. Exactement. Conséquence, elle est capable d'inventer des faits de toutes pièces, mais avec un aplomb terrifiant. Dans le sport business, ça veut dire qu'elle peut inventer une stat d'audience sur un tournoi de tennis, créer une fausse jurisprudence de transfert, ou même citer un règlement de la FIFA qui n'existe pas du tout. Et le pire, c'est que la forme est souvent impeccable. C'est super bien rédigé. Et c'est là que frappe la paresse cognitive, ou le biais d'automatisation. On baisse notre garde parce que la réponse a l'air sérieuse. La règle d'or imposée dans les cours, elle est stricte. On ne cite jamais un fait, un chiffre ou un nom généré par l'IA sans l'avoir vérifié soi-même à la source. C'est vital. Et il y a un autre danger très insidieux soulevé dans ces cours, ce sont les biais. On l'a vu avec l'anecdote du chiffre 42. L'IA reflète Internet. Et dans le sport, ce miroir, il est particulièrement déformant. Oui, parce que les données d'entraînement sont majoritairement occidentales et le foot masculin européen écrase littéralement tout le reste en volume de texte et d'images. Les conséquences sont directes, hein. Tu demandes à une IA de générer une image sur la passion du sport, il y a 99% de chances qu'elle te sorte des footballeurs masculins dans un grand stade européen. Ce qui crée ce que les sources appellent les sports invisibles. Le sport féminin, les disciplines paralympiques ou les sports moins médiatisés sont sous-représentés statistiquement. Faut en avoir conscience, sinon on reproduit ces stéréotypes dans ses propres campagnes sans s'en rendre compte. Bien. Ça classe les IA selon leur niveau de dangerosité. Concrètement, si un club utilise l'IA pour trier des CV ou évaluer la perf de ses employés, c'est classé à haut risque. Faut faire des audits, il y a des obligations de transparence hyper strictes. Et la ligne rouge absolue, c'est le RGPD et la confidentialité. C'est l'erreur du débutant, mais qui peut être mortelle pour une boîte. Faut jamais, sous aucun prétexte, coller des données sensibles dans ChatGPT. Jamais de fichier client, pas de montant confidentiel d'un contrat de sponsoring en cours de négo. Surtout pas. Parce que tout ce qui entre dans le modèle public peut servir à entraîner les prochaines versions. Ton stagiaire qui résume un audit financier ultra secret, ces données pourraient ressortir quelques mois plus tard chez un club concurrent. Rupture totale du secret professionnel. Et il y a un dernier enjeu soulevé, souvent mis de côté d'ailleurs, c'est l'impact environnemental. Les documents insistent sur le principe de parcimonie. Ouais, l'empreinte carbone est énorme. Une requête IA, ça consomme environ 10 fois plus d'énergie qu'une recherche web classique. Utiliser un LLM surpuissant pour corriger une faute dans un mail de 3 lignes, c'est une hérésie écologique. Faut proportionner l'usage aux besoins, tout simplement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour le futur de la profession ? On a une cartographie des outils dans les sources et on voit bien que l'approche doit être chirurgicale. Pour le texte, des outils comme Claude, ChatGPT ou Mistral sont devenus incontournables pour structurer des idées ou débroussailler des dossiers de presse. Et pour l'image, on a Midjourney ou Dali. Imaginons un responsable marketing qui veut montrer le concept d'une fan zone à sa direction. Il génère une maquette photoréaliste en 2 minutes. Mais attention, les cours mettent un énorme warning sur le droit à l'image. Absolument. Générer l'image d'un athlète réel pour une campagne marketing sans son accord explicite, c'est s'exposer à un procès direct. La propriété intellectuelle prévaut toujours. Il y a aussi l'analyse de données. On peut donner des fichiers de billetterie anonymisés à une IA pour repérer des tendances d'achat ou aider le CRM. Tant que l'humain valide la rigueur statistique derrière, toujours. Exactement. Et le secteur qui explose en ce moment, c'est l'audio et la vidéo. Avec Eleven Labs pour faire des voix off bluffantes ou Sora pour créer des vidéos à partir de textes. C'est fascinant pour le marketing, mais ça pose le problème des deepfakes. Oui, les sources insistent beaucoup là-dessus. Imaginons une crise de relations publiques avec une fausse vidéo du président du club qui tient des propos scandaleux la veille d'un gros match. Le futur manager doit savoir comment ça a été fabriqué, comment le détecter et gérer la communication de crise en urgence. Savoir se défendre contre l'outil en fait. Et c'est vraiment le message clé qui ressort de tout ça. L'IA générative n'a pas vocation à se substituer à l'expertise humaine. C'est un levier. Pour un futur manager, la valeur ajoutée, c'est pas de savoir cliquer sur un bouton, c'est le discernement. Vérifier les faits et injecter cette intuition et cette empathie que l'algo n'aura jamais. Ça devient incroyable pour prédire l'affluence d'un stade ou optimiser un contrat de sponsoring avec une perfection mathématique froide. Tout est lissé, optimisé. Oui. Mais le sport, à la base, c'est fondamentalement irrationnel. Ça vit de la passion brute des supporters, de l'erreur d'arbitrage, de l'imprévisibilité d'un but à la dernière seconde. On peut vraiment se demander si, à force de tout confier à des algorithmes probabilistes qui chassent l'incertitude, le sport business de demain risque pas de perdre son essence même, sa magie humaine, quoi. Une question ouverte fascinante pour clôturer cette analyse. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on vous laisse méditer sur cette place de l'irrationnel dans le sport de demain.